I'm sorry. I was clicking on all button and I just mute you. Oh. Hey. What's going on? What's going on? Really? Oh, attends. And now? What's going on? Yes, Arco, but I don't know how to play. Amplitude, why? You can also push down. Oh, na zdrowie! About this. Alors, si je fais ça, et maintenant, que vais-je faire de mes dix doigts quand tu seras là? Et maintenant, que... About now. Was denkst du? Merde, je sais plus. Was denkst du jetzt? Ist das besser? Tu me dis tout bas, je vois la vie en rose. Quand version reggaeton, ta la ta ta. What about now? Is this correct? Ah, no patience. You are German, that's why. Nobody wants a normal person. You know your answer, sure. About now, minus 8. 1, 2. Encore. Ok, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu m'entends correctement? Ich habe eine minus 5. It's just to show you. Okay. I don't touch anymore anything. Thank you. my songbook. Thank you. Warga. Na zdrowie. Bon. People, a little bit louder. Schön. Ja. Ja. Du. Varga anche. Bena. Je your finger on your instrument. What can I do tonight to wake up your soul? What can I do tonight to wake up your soul? Have you found a way how to go away? What can you do tonight to wake up your soul? Oh. Maintenant je sais qu'il fait froid dehors. Il ne faut pas se permettre de juger l'inconnu, car maintenant tout est permis. Laissez-vous guider par la nuit. Cette musique me transcende. Elle traverse mon corps comme une étoile. Je la sens subjuguée au fond du précipice qui est en moi. Ceci est parfait.